Les Bas-fonds de Paris, tome 1, première partie, chapitre 3, l'hôtel des anges. Et elle allait, traversant Paris, l'esprit perdu, la mort dans l'âme. La chaussée Clignancourt, escaladant la raideur des pentes neigeuses, mettait sur le fond gris du ciel la cassure très nette de sa ligne d'arête et plongeait, là-bas, vers des enfers grouillants et enfumés pleins de désespérance. Valentine Clément eut un brusque arrêt, un battement de cils, un petit hoquet d'angoisse. Les yeux pleins des splendeurs entrevues au parc Monceau, elle eut alors la nauséeuse vision de son taudis à elle, triste abandonnée de province. Puis, tête basse, les épaules comme rétrécies par le frisson des résignations mortelles, elle fila le long des trottoirs gras, sans un regard pour les étalages des bazars qui déjà poussaient leur vente du premier de l'an, pour les vitrines des confiseurs où s'exhibait la modeste magnificence des quartiers pauvres en fête, pour les boutiques de charcuterie et de volailles énormes, tout l'invendu des ripailles de la veille. Maintenant, elle pataugeait dans la boue du dégel. Et elle n'était pas encore rendue. C'était plus loin, tout au fond de la rue ramée, presque sur les fortifs embrumés et mornes. Une impasse qui vomissait de fétides relents de ses fenêtres entr'ouvertes, vrai dégueulé d'égout. Là, grouillait un tas de miséreux avachis, des femmes au regard éteint, sans âge sous leurs loques, des hommes cassés par des labeurs sans fin, sans espoir, des enfants martyrs au visage d'une gravité navrante, des êtres tordus par l'alcool, le vice ou la sombre famine. D'une lucarne d'hôtel s'échappaient des hurlements sauvages auxquels répondaient d'autres cris. De douleur cela. Quelques malheureuses à qui le mal infligeait la tournée des jours de dèche, sans que le voisinage s'émût des trépignements ni des appels affolés. Au rez-de-chaussée, c'était un étroit mastroquet où des hommes s'enfilaient des lampées de torboyaux, continuant la godaille du réveillon, sans joie, vaguement heureux de sombrer dans la torpeur des souleries qui font oublier tout. Valentine se jeta dans l'entrée qui béait contre la porte de l'assommoir. Cela s'appelait, sinistre ironie, l'hôtel des anges. Horrifiée, elle se traîna péniblement jusqu'au fond de l'allée noire aux murailles lépreuses, comme variolées, qui suintaient par tous leurs pores une humidité visqueuse et fétide. Au bas de l'escalier, un homme blême, empestant la pommade et l'absinthe, la lèvre ignoble et les cheveux, non, les douilles ou les tifs, en accroche-cœur, se dressa devant elle et grasseya. « Tiens, v'là la bichette du second. Bonjour, la môme rebondie !» Et il étendait déjà les bras, cambrait les reins cyniquement, développant son torse maigre. D'un effort de tous ses nerfs, crispés par la peur et le dégoût, elle évita les trains immondes, sauta des marches, pendant que l'autre la suivait, titubant et ricanant. « De quoi ? On fait des magnes, des manières avec mes zigues ! Tu viendras comme les autres, la belle effarouchée. Oh, j'ai le temps, moi. Jamais pressée, Bibi la peau. On est de revue ?» Elle n'entendait pas les paroles. La voix seule lui soufflait dans la nuque. Une épouvante sans nom la souleva, la porta jusqu'à sa chambre, louée à la semaine, où, pantelante, elle tomba sur le bord du lit de fer, après avoir fermé la porte à double tour de clé. Le visage caché dans ses mains, les oreilles bourdonnantes, elle demeura là, quelques minutes, effondrée, écrasée. Puis, un geste de désespoir fit retomber ses bras, et son regard vide s'emplit de toute la détresse du misérable logis. Lentement, elle parcourut des yeux les murs nus, dont le papier décollé, tuméfié par le salpêtre, luisait de crasse accumulée et innommable, les deux chaises avec leurs touffes de paille qui pendaient par-dessous, la table en bois blanc, avec sa cuvette et son pot à eau ébréché, son verre suspect et, au-dessus, la glace poisseuse de 4 sous. Et alors, dans un éclair de fascination, elle revit encore la luxueuse demeure de Suzanne d'Amour, la serre aux orchidées, la richesse inouïe de cette pièce parfumée où elle était entrée, tandis que, derrière ces décors rutilants, éclatait l'acclamation enivrée des esclaves de la reine d'amour, de tous ces cochons d'hommes. Un mot seul, maintenant, lui tenaillait, lui martelait le crâne. Marié, il est marié, et si bas tombé, oui, plus bas que moi dans ma misère. Et c'était la définitive souffrance, la solitude suprême où elle s'enlisait, aveulie, balbutiante, sans révolte et sans larmes. Pitié, Seigneur! Où était-il, hélas? Où était le Dieu des bonnes gens? Elle eut aux lèvres l'amertume des invocations que nul n'entendra, et, devinant qu'elle était condamnée, exécutée de par le monde, elle pleura des larmes de sang, oui, de ces larmes qui brûlent et n'apaisent pas, dévorées aussitôt par le feu des joues creuses. Trahis, oh, nos pauvres serments. Dans son cœur, le ressort des croyances jeunes, de l'amoureuse foi se brisait d'un seul coup, et elle en était toute désemparée. Tournée encore dans un ultime tressaut vers les paradis perdus, elle se sentait tirée par en bas, vers des choses inconnues et monstrueuses, l'abîme louche et glauque des bas-fonds, dont on ne se relève jamais. C'était donc la fin de tout. Voilà ce qu'était l'amour. Oh, elle avait aimé, aimé, selon la noble expression du poète, aimé comme on adore. Toute sa vie avait tenu là. Elle s'était donnée, heureuse malgré tout d'être à lui, de se perdre en lui, ravie, fière, honteuse mais charmée. Que lui restait-il, puisqu'elle ne pouvait plus l'aimer? On frappa à la porte rudement. Tremblante, elle entr'ouvrit après avoir demandé qui c'était. C'était la patronne de l'hôtel, la marchande de sommeil, la mère Goujard. L'ogresse entra, massive et lourde, hideuse, avec ses bajoux de graisse, ses paupières chassieuses, molles, qui recouvraient deux yeux de glace, et ses rares cheveux gris mal encapuchés d'un béguin de foulard pisseux. « Eh ben, et cette semaine ?» fit-elle de sa voix enrouée de sirop cognac. « Est-ce que ça va finir par tomber ?» Valentine eut le geste là de l'être qui reçoit le dernier coup, le lâche coup de pied de l'âne, de la sale bourrique. Sa semaine, c'était vrai, elle n'y pensait même plus. Elle la devait cependant, et il fallait payer d'avance. Elle comprit qu'il n'y a pas de pitié au monde pour ceux que le malheur a terrassés. De la pitié? Ah oui, parlons-en. Une borne au coin de la première rue. Voilà la pitié. Elle envia le sort des chiens errants, des kleps de barrière, jamais embêtés, jamais pris, à qui nul ne demande de payer l'hospitalité de la rue. La pitié, elle était là, devant elle, incarnée par l'ogresse, la mère Goujard, celle qui d'un geste allait la jeter au ruisseau, à l'égout, au tout à l'égout. Silencieuse, la vieille gueuse attendait, griffe tendue. Valentine grelottait de froid et de honte. « Voyons, c'est-y pour la semaine des quatre jeudis ?»« Madame ?»« Oh, il n'y a pas de madame, ni de chialerie. Si toutes les autres étaient comme vous, ma petite, il n'y aurait plus qu'à boucler la lourde et plaquer la turne, fermer et s'en aller. »« Je vous en supplie, accordez-moi jusqu'à demain, je vous jure. »« Quoi ? Vous avez donc réfléchi ? Vous serez raisonnable ?»« Oh, alors tout ira bien et ce ne sera pas long. » J'ai été un peu sage-femme dans mon temps, je connais le truc. Après, on s'arrangera. Dieu merci, c'est pas les michets qui manquent, et ça vaut mieux que les amants de cœur qui vous plaquent. N'est-ce pas, ma mignonne ? Valentine Clément recula. Elle avait compris. Elle comprenait tout maintenant. Et sa chair frissonnait comme polluée. Le monstre femelle haussa les épaules et grommela. Si ça ne fait pas suer, je vous demande un peu comment elle pourra me raquer demain sans ça. J'ai de l'ouvrage à finir, je vous le promets, madame. Demain, j'aurai au moins 8 francs, je vous paierai sûrement. Sans répondre, la patronne du Garneau inspectait d'un rapide coup d'œil les pauvres frusques de Valentine, des nippes. Elle décrocha une robe pendue à un clou, puis elle s'empara du pimentelet que la pauvre fille avait jeté sur le lit. C'est bon, grommela-t-elle. J'attendrai encore jusqu'à demain. Mais il me faut des gages, vous comprenez? Chacun son dû. Valentine approuvait de la tête. Elle n'aurait désormais rien à se mettre sur les épaules. La nuit, elle n'aurait plus la robe qui la défendait contre les morsures du froid. Mais elle avait un jour devant elle, un jour de répit, de sursis. Demain, sans faute, renchérit la faiseuse d'anges doublée de proxénètes. Je suis bonne comme du bon pain. Il faudrait pas en abuser, vous savez. Sans ça, rien de fait. La logeuse s'en allait, traînant ses savates, regardant encore s'il n'y avait pas quelque chose à emporter. Tout à coup, elle revint, se pencha sur Valentine, et sa voix se fit papelarde, gluante comme un glissement de reptile dans la fange. Voyons, à la fin des fins, si t'y pas une honte de battre la purée, d'être dans la misère, à votre âge, avec une frimousse comme ça, un vrai cœur, de la bonne galette, vous pouvez en faire gros comme vous, ma petite. Voulez-vous, une fois encore, que je m'en mêle, là, ça y est-il? Valentine sanglotait éperdument. L'autre accentua l'ignominie, croyant l'avoir amenée à ses fins. Quand on est gironde, on ne crève pas de faim à Paris, où on n'est qu'une gourdée. Fais donc comme les autres, va, grosse bête, tu t'en trouveras bien. La malheureuse se redressa enfin, toute droite, blanche d'une blancheur de cire. Elle dardait sur la femelle un regard de suppliciée, de révoltée, et son front avait un rayonnement de si auguste et féminine pureté que l'ogresse prit la porte et s'en alla à reculons. Dans l'escalier, elle se soulagea de sa défaite. Espèce de traînée, vomit-elle. Ça fait son étroite. Va donc, hé, avec ton polichinelle. Il n'est pas venu tout seul. Haletante, l'âme noyée d'horreur, Valentine Clément était retombée sur sa chaise. Maintenant, son destin lui apparaissait. Leur destin à toutes, oh, les pauvres, pauvres petites qui partirent un beau matin, la tête pleine de chansons, le cœur plein de soleil, vers les doux mirages d'amour, et peu à peu s'enfoncèrent dans les ténèbres de l'abandon pour se trouver un soir face à face avec le spectre de la prostitution. Elle en était comme assommée. Une heure, 2 heures se passèrent ainsi. Valentine, immobile, figée dans son désespoir, roulait dans des abîmes d'épouvante. Tout était oublié pour l'instant. Cela seul demeurait, la misère dans la boue. Un étrange sourire vint errer tout à coup sur ses lèvres décolorées. Un mot voltigea dans son cerveau, écarté d'abord par un frisson éperdu, puis revenant et s'implantant victorieux comme la sainte délivrance. Mourir! La mort! Le salut! Mon Dieu, oui! Pourquoi pas? S'en aller, s'évader dans le bon néant, s'endormir pour toujours, puisque personne au monde n'aurait pitié d'elle, puisque la vie lui était si mauvaise, repoussante et vile, puisqu'elle n'avait plus rien à faire ici. Oh non, plus rien. Mourir. N'était-ce pas la seule ressource des misérables comme elle? Elle ne possédait plus que son corps donné, profané. Au lieu de le vendre, de le souiller à jamais, elle l'anéantirait, voilà tout. Cela lui parut si raisonnable et si sain qu'elle en éprouva une joie infinie, amère et macabre, avec son arrière-goût de fausse commune. C'était simple. Comment n'y avait-elle pas songé tout de suite? Il y avait encore 6 sous dans sa poche, 4 sous de charbon de bois, une botte d'allumettes, le compte était facile, et elle eut un rire aigu de folle en songeant que, tout payé, il resterait 1 sou d'héritage. C'en était donc fait. Oh oui. mourir à l'instant même. Pourquoi tarder? Une heure de vie, une heure de souffrance lâche et veule. Mourir, au plus tôt, tout de suite, maintenant. Allons, bégaya-t-elle résolue. Il le faut, c'est trop souffrir. Et elle fit un mouvement pour se lever, mais elle s'arrêta, soudain, devenue livide, ses mains convulsées d'un geste violent et doux à la fois, étreignirent son ventre. Penchée, courbée en deux, elle parut écouter, ravie et terrifiée, une voix. Oh! Une voix qui venait de si loin que seule elle pouvait l'entendre, la martyre. Une voix qui lui arrivait des ineffables profondeurs de l'au-delà, cher et mystérieux. Et ce qui parlait ainsi, ce qui donnait grâce et maternelle pitié en d'obscurs vagissements, ce qui s'exprimait en elle dans le sublime et muet langage que les mères seules comprennent, c'était la chair de sa chair, c'était la créature qui palpitait dans ses flancs, son enfant. Ô femme, ô mère, vous comprenez? Son enfant. Tout son désespoir se fondit alors dans une immense et sainte miséricorde, plus forte que la misère et que la mort. Elle glissa à genoux et, les deux mains toujours plaquées sur son ventre mouvant comme pour une première caresse, elle murmura, divinement attendrie: Pour toi, mon ange, pour toi, mon trésor béni, oui, pour toi, chère créature, je souffrirai plus que la mort. Je vivrai,